L'actualité à Nancy et ailleurs. À Villers-les-Nancy, les vendredis 13 et samedi 14 mars, le Théâtre de la Roëlle met à l'honneur quatre grandes voix du théâtre contemporain pour son mini-festival Auteur d'aujourd'hui. Pour en parler, nous avons au téléphone Patrick Schoenstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Théâtre de la Roëlle. Alors comment est née l'idée de ce mini-festival Auteur d'aujourd'hui ? Alors c'est un mini-festival que nous avons déjà organisé deux fois par les années passées. Il se trouve que nous avons des relations suivies avec un certain nombre d'auteurs. Et il se trouve aussi que sur cette saison, nous créons deux pièces de deux auteurs différents. Et donc il nous a paru intéressant, plutôt que d'inviter chaque auteur séparément à une représentation, de regrouper l'invitation de manière à avoir une manifestation qui offre au public différents styles d'écriture et puis de permettre aussi à ces auteurs de se retrouver et d'échanger ensemble. Parmi les rendez-vous, il y a des lectures qui sont déjà malheureusement complètes. Voilà. Ce sera au château Madame de Graffigny. Il y a deux lectures, donc une lecture de la dernière pièce de Jean-Paul Allègre qui s'intitule « Un petit verre d'eau de vie » qui vient de paraître aux éditions des Quatre Vents avec sa Bonseigne. C'est Jean-Paul Allègre lui-même, c'est l'auteur lui-même qui fera la lecture. Et puis une deuxième lecture, alors cette lecture de Jean-Paul Allègre a lieu le vendredi 13 mars à 18h, et une deuxième lecture le samedi 14 mars à 18h, c'est une lecture d'un tout dernier texte de Pierre Note qui s'intitule « Martyr social », qui n'est pas encore édité et qui sera lu par l'auteur Pierre Note et par Céline Crillon, la directrice du théâtre. Alors malheureusement, c'est déjà complet, mais il reste bien sûr, pour bien vivre ce week-end, les représentations au Théâtre de la Roëlle. Commencera le vendredi 13 mars à 20h. Alors, trois représentations avec une représentation spécifique. Il s'agit du spectacle de Pierre Note qui s'intitule « La petite Fräulein ». Ce spectacle est joué au Théâtre de la Roëlle en avant-première, puisqu'il est programmé au Festival Off d'Avignon au mois de juillet. Et il est joué par l'auteur Pierre Note et par la comédienne Cécile Fleury. Donc ça, c'est le vendredi 13 mars à 20h à la Roëlle. Et le samedi 14 mars, donc, nous donnons deux spectacles. Donc ce sont les deux spectacles des auteurs que nous avons inscrits à notre programmation cette année. D'une part, à 16h, la pièce s'intitule « Cinquième étage ». C'est une fiction historique qui a été écrite par une auteure suisse, Natacha Astuto, qui sera présente d'ailleurs pour voir son spectacle. Et puis le soir, à 20h, la dernière pièce, qui est une création, c'est un spectacle qui est joué pour la première fois par des comédiens. La pièce a été écrite il y a 6 mois à peu près. Elle s'intitule « Puisque vous partez en voyage », c'est une pièce de l'auteur Lillian Lloyd. Et la pièce s'articule autour des chansons de Françoise Hardy, avec une philosophie sur la résilience, la vie qui reprend. C'est un très joli spectacle à mon sens, qui parle beaucoup aux spectateurs parce que il évoque des problèmes du quotidien dans la sphère intime, les relations parents-enfants, les parents qui veulent s'éloigner un peu, la mort, la résilience, et puis comment repartir dans la vie une fois qu'on a été frappé par des éléments un petit peu graves. Alors pour bien vivre ces représentations, il est peut-être conseillé de réserver aussi ? Oui, alors il vaut mieux réserver. Il faut réserver sur le site du théâtre, c'est www.théâtredelaroëlle.fr. Voilà, et on retrouve aussi toute la programmation du Théâtre de la Roëlle, qui est aussi bien riche. Le plus de ce mini-festival aussi, c'est l'aspect rencontre aussi avec les auteurs. Voilà, c'est ça. Donc c'est la possibilité pour les spectateurs de discuter avec les auteurs, de discuter de leur spectacle, mais de discuter aussi, quand ça intéresse évidemment, de la situation de l'auteur dramatique en France, qui n'est pas si sympathique que ça. Là, nous avons la chance d'avoir quatre auteurs qui vivent quasiment de leur plume, c'est-à-dire qu'ils réussissent à vivre de ce qu'ils écrivent, mais ce n'est pas le cas. Souvent, l'auteur est un peu oublié. On a souvent vu dans des grandes institutions le titre d'une pièce, le titre d'une œuvre, et puis, ah ben, il n'y a pas d'auteur. Ah oui, ah ben non, ben, l'auteur, on l'a oublié, c'est pas très important. C'est-à-dire, on le connaît pas, on a eu les droits d'auteur, et puis c'est pas très grave, il fait son chemin tout seul. Or, c'est quand même important pour la culture en général que les auteurs puissent vivre de leur travail. Voilà. Ce week-end mettra à l'honneur donc ces quatre auteurs. Merci beaucoup Patrick Schoenstein. Bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.